Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut aller, c'est au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois et serviable. Les propriétaires Laval Ouellette et Stevenot souhaitent un franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et souhaitent la bienvenue aux différents touristes dans notre secteur. Au Mets Chinois, Saint-Félicien, 418-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Quand on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien et invite toute la population à participer aux activités. Contre toute attente, Shane Gauthier a fait l'équipe des Blue Bombers de Winnipeg. Pourquoi je dis toute attente? Ben, il a pas joué de match durant le camp d'entraînement. Il a été blessé. Moi, je m'attendais qu'elle allait être l'équipe d'entraînement et peut-être l'avoir au cours de la saison. Quoi qu'il en soit, ben, on va parler avec notre spécialiste des Blue Bombers, issu des Blue Bombers de Winnipeg pour Radio-Canada Winnipeg, Pierre-Gabriel Turgeon. Salut, Pierre-Gabriel. Pierre, est-ce que t'es surpris? Moi, j'ai été renversé. J'étais sûr, moi, que dans le fond, là, il allait faire l'équipe d'entraînement. Ben, écoute, Danny, si on reprend depuis le début, avant la blessure de Shane Gauthier, on pouvait s'attendre à ce que Shane soit sur l'équipe et qu'il occupe un poste au sein des unités spéciales. Mmh. Ça, dans mon esprit, c'était clair, c'était pratiquement garanti que Shane ferait partie des Blue Bombers. Maintenant, il y a eu la blessure. Et là, la blessure, ça a considérablement ralenti Shane Gauthier. Comme tu l'as mentionné, il n'a pas disputé de match avec l'équipe. On a posé la question à Mike O'Shea, à savoir qu'est-ce que Shane devrait faire pour demeurer dans les girons de l'équipe alors qu'il est blessé et qu'il participe à quelques entraînements. Et Mike O'Shea a premièrement dit qu'il devrait jouer pour démontrer ce qu'il peut faire en situation de match, mais qu'au préalable, ce qu'il avait vu sur le terrain lors du camp des recrues et lors des deux premiers jours du camp d'entraînement prouvait à l'organisation ce qu'ils avaient vu lorsque Shane jouait dans les rangs universitaires, c'est-à-dire sa fougue, son intensité, sa rapidité, et sa passion. Donc, Shane Gauthier a su bien marquer ses points dès le départ, et je pense que c'est ça, Danny, qui a fait la différence pour Shane, à savoir où est-ce qu'on va le placer maintenant. Est-ce qu'on le place sur l'équipe d'entraînement? Est-ce qu'on lui dit ben merci d'être passé, on va passer au prochain appel, puis peut-être pour une meilleure chance l'année prochaine? Mais finalement, il faut dire que le travail acharné de Shane Gauthier lui a servi parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu sur le terrain avec son numéro 44, puisque c'est le numéro qu'il portait avec le rouge et or. Au début du camp d'entraînement, il avait le 42. Il a fait un peu de changement et il s'entraînait ce matin au sein des unités spéciales. Donc, on devrait le voir et je devrais parce que pour l'instant, on est mercredi, là, puis on devrait connaître l'alignement des Blue Bombers au cours des prochaines heures, demain assurément. À savoir où se trouvera Shane Gauthier dans l'alignement des Blue Bombers. Mais moi, je m'attends à le voir jouer sur les unités spéciales et peut-être venir en relève en situation de match, mais ça serait surprenant. Je préfère dire qu'il sera sur les unités spéciales. Qu'est-ce? Comment qu'il avait de l'air sur les unités spéciales? Parce que bon, on l'a vu, un camp d'entraînement des recrues puis des réguliers, c'est pas pareil du tout. Comment qu'il a de l'air sur les unités spéciales? Est-ce qu'il se débrouille bien? Difficile de dire, Danny, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'était pas des papiers d'emploi. Ouais. Donc, je ne l'ai pas vu évoluer au sein d'une unité. Je sais juste qu'il avait il prenait sa position sur les unités spéciales, puis c'était des exercices là très légers. Donc je peux pas vraiment dire, mais vous connaissez Shane, vous connaissez cette détermination. Vous savez que lorsqu'il saute sur le terrain, lui, ce qu'il souhaite, en dépit de sa stature, là, quand même un petit joueur de football, lui, ce qu'il veut démontrer, c'est qu'il est... On peut pas l'arrêter. Non. Donc, il y a personne qui peut arrêter Shane Gauthier, ou du moins, c'est le pari qu'il prend. Donc, tentez de l'arrêter, parce que sinon, moi, je vais vous arrêter. Puis, ben, je pense que ça va être ça sur les unités spéciales. Effectivement. Et Shane Gauthier, c'est un joueur qui est relativement jeune, donc... ça serait pas surprenant de le voir commencer un match, peut-être, au courant de l'année. Hey, ce serait une bonne nouvelle comme secondaire, tu parles, là. Parce que Shane Gauthier, avant tout, Oui. Hey, dis-moi, tu me disais en dehors des ondes que tu étais surpris même de ça, qu'on a laissé on a libéré des joueurs qui étaient en lutte contre Shane Gauthier, justement. Tu étais surpris de voir ça. Ça prouve à quelque part la confiance qu'on a envers Shane Gauthier du côté des Bombers. Ben, exactement, parce qu'on a laissé aller un gars comme John Rush, qui a été nommé l'année dernière joueur défensif par excellence dans la Ligue universitaire canadienne, sport interuniversitaire canadien. Écoutez, c'est une grosse pointure, ouais. Là, John Rush, mais écoutez, point de vue grandeur, point de vue quoi, ça se ressemblait. J'ai pas vu John Rush, j'ai vu John Rush jouer, évoluer lors de quelques entraînements. Je trouvais qu'il se débrouillait quand même relativement bien. Je l'ai pas vu en situation de match, cependant. Donc, est-ce que c'est l'attitude? Est-ce que c'est justement il a pas répondu sur certains jeux qu'il aurait dû répondre? Je sais pas comment ça s'est déroulé lors des meetings entre Mike O'Shea et Kyle Walters, le directeur général de l'équipe. Mais chose certaine, c'est que même si Shane Gauthier pas joué, ben il en a fait plus que beaucoup d'autres. Parle-moi maintenant des Bombers. Les Bombers qui ont connu une saison difficile l'an dernier. Drew Willey sera encore au poste de quart. C'est une équipe qui est un carrière quand même, qui est souvent blessé. Est-ce qu'on est confiant du côté des Bombers, à tout le moins, là, de bien performer dans cette division ouest qui est toujours très compétitive? Ouais. Ben écoute, là, Drew Willey, oui, blessé l'an dernier, mais ce qui a tué vraiment les Blue Bombers, c'est le fait que l'an dernier, après Drew Willey, il y a eu Reid Nichols. Deux autres corps arrière qui étaient là. Ben non, mais Nichols est arrivé plus tard. Donc, finalement, on a précédé une transaction pour aller chercher un peu de profondeur, parce que les deux autres corps qui étaient là, il n'y avait aucune expérience de la Ligue canadienne. Ben l'autre, le nom m'échappe, mais ces deux joueurs-là étaient incapables de compléter des phases. Donc, comment voulez-vous finalement être en mesure de performer lorsque vos carrières ne sont pas capables de lancer le talent? C'est un petit peu ce qui s'est produit. Par la suite, on a ajusté le tir, on est allé chercher Matt Nichols, les choses se sont améliorées, mais le mal était fait et ça a été difficile par la suite pour les Bombers de reprendre le chemin de la victoire. Et Drew Willey, il a été mal protégé en quelque sorte l'année dernière aussi. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés en ce jeune corps arrière. Je dis jeune, il est quand même âgé vers la fin de la vingtaine, là. Mais quand même, il y a des belles attitudes. Au niveau des receveurs de passe, c'est amélioré. Au niveau des porteurs de ballon, l'équipe s'est améliorée. Au niveau de la ligne offensive, l'équipe s'est améliorée. En défensive également. Écoutez, je garantis pas, moi, de voir les Bombers terminer en tête la division Ouest. Je m'attends, cependant, et je pense que ça sera le cas ici, dans la tête des supporters des Bombers, au moins que l'équipe joue pour 500. Donc, 9 victoires, 9 revers, ce serait quand même assez respectable. Ce qu'on veut, là, dans le fond, c'est participer aux éliminatoires. Ça fait tellement longtemps, Danny, que l'équipe n'a pas fait ça. La dernière fois, c'était en 2011. L'équipe avait atteint la finale de la Coupe Grey, c'était incliné. Là, ici, là, la dernière Coupe Grey, ça remonte en 1988. Ça commence à faire loin, là. Oui, ça fait très longtemps. Puis, l'équipe a allongé les dollars pour aller chercher des joueurs d'impact. Je vous dirais que c'est do or die. Là. Ça passe ou ça casse là, pour les Blue Bombers cette saison. Et surtout pour Mike O'Shea, Kyle Walters. Je pense que leur emploi est en jeu cette année. Et si jamais, par malheur, il y avait un mauvais départ de l'équipe, oh, j'ose pas imaginer quelle serait la situation ici à Winnipeg. On va espérer. Hey, je veux te parler des Jets en terminant. Les Jets, qui est bon, c'est deuil national à Québec actuellement. Les Jets, il n'y aura pas de. Les Nordiques ne seront pas de retour de toute ressemblance. Comment tu trouves finalement les Jets, ça fait 3 ans actuellement que les Jets sont revenus. Le programme finalement de renouvellement après 3 ans bien échu. Est-ce que le renouvellement est vraiment bon du côté des billets de saison? Ben, on peut dire, sans trop se tromper, là, que depuis le retour des Jets, la lune de miel est peut-être finie, ouais, là, entre les supporters de l'équipe et l'équipe. Mais quand je dis la lune de miel, là, c'est que là, finalement, on a hâte que l'équipe gagne. Parce que après 5 ans, on se dit que ben ça serait peut-être le temps de participer aux séries éliminatoires puis d'avoir ce genre de party-là dans la ville. Mais en termes de billets de saison, Danny, c'est la folie furieuse, ça dérougit pas après les campagnes de renouvellement. Le taux de renouvellement a été de 80%. Oh! Donc, ça donne pas beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre pour les gens qui souhaitaient avoir un abonnement pour les Jets. Il y a encore 7 000 personnes sur la liste d'attente. Des gens qui paient 50$, 100$ pour avoir leur nom sur la liste d'attente. 7 000, là, on peut attendre longtemps avant d'avoir un billet de saison, avant que notre tour arrive. La recette là, des Jets, c'est un modèle qui est unique dans la Ligue nationale de hockey. C'est un modèle que la Ligue nationale de hockey adore, met en valeur régulièrement, parce que dans le fond, ça a été ça. Je veux dire, le pari était de vendre, là, lorsque les Jets sont revenus, là, il fallait absolument que l'équipe vende au moins 13 000 abonnements avant le début de la saison. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds, dans le temps de le dire. Puis, les gens se sont engagés. Donc, au lieu que ça soit année après année, on rachète des saisons. Les gens s'engagent pour 3, 6 ans, 7 ans. Donc ça, là, ça amène de l'eau, ça amène d'argent dans les coffres de l'équipe. Puis les gens m'ont dit, ouais, mais je pense que j'ai vu des billets libres, des sièges libres là, pour quelques rencontres. C'est le cas. Mais ces billets-là étaient déjà vendus. Ce sont des gens, des détenteurs de billets de saison, par exemple, qui tentent de revendre leurs billets pour soit faire de l'argent ou parce qu'ils ne peuvent juste pas être là, ou encore l'équipe qui retenait des billets parce que l'équipe adverse avait réservé des billets. Finalement, ces billets-là sont pas pris et n'ont pas été en mesure finalement de trouver de preneur. Mais le taux d'occupation, match après match, est au-delà de 100%. Je pense que ça va bien. Excellent. Ben, Louis-Gabriel, un gros, gros merci. On se reparle durant la saison. Des Jets et des Bombers pour voir un peu comment Shane se débrouille et un peu voir également ce qui se passe avec les Jets de Winnipeg. Ça me fait plaisir, merci. Donc, Pierre-Gabriel Turgeon de Radio-Canada à Winnipeg.